La Théo des fleuves de Jean-Marc Turine, deuxième épisode. La vieille Théodora, une tzigane revenue dans sa région natale après de nombreuses années passées à l'étranger, s'est endormie tandis que son petit-fils Tibor joue du violon. Durant son sommeil, elle s'est souvenue de son mariage forcé avec Vassili, un homme de 20 ans qu'elle n'aimait pas. Enceinte de quelques mois, Vassili la frappe violemment et Théodora perd l'enfant qu'elle attendait. Au printemps suivant, la sœur cadette de Vassili, Angelica, va se marier. Elle a 15 ans et son futur mari, Pavel, 19. Tu es sûre de ce que tu fais, Angelica ? Tu es jeune. Pourquoi te marier maintenant ? Sais-tu ce que cela signifiera pour toi de vivre dans la famille de ton mari ? Regarde-moi. Me crois-tu heureuse dans les conditions qui me sont imposées ? Que cherches-tu à me dire ? Je veux te mettre en garde. Je ne suis pas comme toi, frigide, éternellement distante. Les hommes te regardent parce que tu es belle. Ils veulent de toi. Mon frère veut de toi, Vassili. Mais ton corps ne vit pas pour les hommes. Ton corps ne vibre pas. Ne connaît-il aucun désir ? Mon corps à moi désire un homme. Je le lui offrirai pour son plaisir et pour le mien. Je lui donnerai mes seins. Je lui offrirai mon ventre et mes lèvres. Je suis jeune. Et je veux profiter de ma jeunesse comme ma mère me l'a enseigné. Je te plains, Théodora. Tu laisses passer tes plus belles années. Le jour du mariage de sa jeune belle-sœur, Théodora danse. La noce se déroule sur une prairie qui s'étend le long d'un bras du fleuve. Ce jour-là, on fête aussi l'avènement de l'été. Théodora se montre, elle provoque les hommes, elle désire que Vassili voie ce qu'elle peut être lorsqu'elle le décide. Ses mains, ses seins, ses hanches frémissent, se trémoussent. Les bracelets brillent à ses poignets, les colliers s'entrechoquent sur sa poitrine qu'une blouse cintrée met en valeur. Sa longue jupe virevolte autour de la taille et des jambes. Les amis de Vassili veulent du spectacle. Théodora les enchante. Lorsque... Non, je me trompe, ce n'est pas possible. La terre peut-elle mentir ? La nuit qui tombe peut-elle mentir ? Aladdin se manifeste à moi. Aladdin m'appelle depuis le fond secret de la forêt. Personne ne prête attention à cette musique, j'en suis sûre. Lorsqu'Aladdin jouait dans une concentration extrême, il suscitait le vertige. En dansant ce jour-là, je le voyais comme s'il s'était tenu devant moi. Les yeux à demi fermés. Le menton effleurant la partie supérieure de l'accordéon. En improvisant une musique si fraîche et libre. Aladdin s'abandonnait dans une totale perte de lui-même. Et sa musique restait en suspension, oui, entre le ciel et le fleuve. Je comprends rien à ce que tu dis. Sur un chemin de terre poussiéreuse qui mène à la forêt, Théodora marche pieds nus. L'accordéon la guide. Une ombre, plus sombre que la nuit, avance au rythme de l'accordéon. Théodora aperçoit Vassili. Elle ne peut plus reculer. Il attend sa femme sur ce même chemin, une cigarette collée aux lèvres, la chemise déboutonnée sur sa poitrine musclée et velue. Une bouteille vide à la main, il pisse face à Théodora. Ah. Que fais-tu ici ? Une voleuse ne quitterait pas la fête autrement. Que vas-tu chercher dans la forêt à cette heure ? Quelle femme se rend dans la forêt, la nuit, sinon celle qui a le cul et le sexe en feu ? Tu n'es qu'une garce que je vais mater. Arrête ! Celui qui joue de l'accordéon t'attire comme un aimant, hein ? Ah ! Moi aussi j'ai entendu cette musique. J'ai surtout observé qu'elle te troublait. Si je le découvre, je le tuerai ! Ah ! Tu réponds à son invitation comme le ferait une chatte en chaleur. Théodora a supporté le corps puissant de Vassili. Tandis qu'une force nouvelle monte en elle. Je dois apprendre à lire et à écrire. Pour m'éloigner de Vassili pour me différencier de mon père qui m'a trahi en m'imposant le mariage, pour communiquer en secret avec Aladdin, pour m'émanciper de la présence constante de ma belle-mère. Théodora fait ce qu'elle s'est promis. Elle apprend à lire et à écrire auprès de la femme d'un médecin de la ville voisine. Théodora étudie le soir après le travail pour la famille. Vassili ne s'oppose pas à sa volonté, car il profitera aussi de ce savoir dans ses affaires, même s'il devra surveiller davantage sa femme, qu'il confie à la vigilance de sa sœur aînée et de sa mère. Je me fais du souci pour toi, mon fils. Ta tolérance, ta faiblesse n'apporteront que des malheurs, d'autant plus que le ventre de ta femme ne produit pas d'enfants. Mourrais-je sans voir le fils de mon fils ? La mère de Vassili adresse d'incessants reproches à Théodora, qui devient l'objet de son harcèlement. Une femme qui n'enfante pas et est possédée par le démon. Quelle femme es-tu ? Que dissimules-tu dans ton cœur de sorcière ? Les études t'ont détournée de ton premier devoir. Regarde, Angelica, déjà mère d'un petit garçon, elle attend un nouvel enfant. Les femmes aimantes font des enfants. Beaucoup d'enfants. Un soir, Vassili ne revient pas de la ville, ni le lendemain, ni le soir du lendemain. Théodora se tait, elle attend. La nouvelle arrive à la fin du troisième jour. Vassili est en prison. Une bagarre a mal tourné après une transaction achevée avec de l'alcool. Des coups de couteau ont été échangés et la victime de Vassili se trouve à l'hôpital. Théodora accompagne sa belle-mère à la prison. Elle lui apporte de la nourriture et des vêtements. Tous les jours, pendant 2 mois, Théodora fait le trajet de la prison avec dans son sac du pain, du lard et des cigarettes. Tiens, je t'ai apporté des beignets. C'est maman qui les a fait. Elle ne révèle pas l'arrêt de ses règles. Elle ne veut pas donner de faux espoirs à son mari. Au 3e mois, elle dit... Tu sais, Vassili, j'attends un enfant. Cet enfant n'est pas de moi. Il ne peut pas être de moi. T'as couché avec un autre ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je ne comprends pas, tu dois me croire, je dis la vérité. Je veux plus te voir. Tous ces mois durant lesquels j'ai espéré te mettre enceinte. Et voilà que, lorsque je ne peux plus te toucher, tu m'annonces que t'es enceinte. Je tuerai cet homme, l'accordéoniste. Où qu'il se terre, je le trouverai et je le tuerai. Le ventre de Théodora grossit. Vassili refuse de la voir. Pour sa belle-mère, la volonté de Théodora d'entrer dans le monde par une autre voie que celle qu'on se lègue de mère en fille depuis toujours est le signe d'une âme dépravée et vicieuse. Tu sais, maman ? Quoi ? Angelica prend la défense de son frère. Il paraît que Théodora apprend à écrire. Théodora doit payer. À quoi ça y sert d'écrire ? À quoi ça y sert de lire ? En ai-je besoin, moi ? Ma mère, ma grand-mère ont-elles eu besoin, non ? Théodora porte la honte pour notre famille et le déshonneur pour Vassili. Mon mari s'est trompé en provoquant le mariage. Un jour, n'en pouvant plus, Théodora se rend chez sa mère. Elle lui raconte la pesanteur de son quotidien. Avant toute chose, dis-moi la vérité sur l'enfant que tu portes. Vassili est le père. Je n'ai rien d'autre à dire à ce sujet. Regarde mes cahiers. Regarde, maman. Je ne sais pas lire, tu le sais bien. Je n'ai qu'un livre. Celui que m'a donné ma mère à ma naissance et que j'ai donné à mes enfants le jour de leur naissance. La vie. Mon livre rendu fertile par la terre sur laquelle je marche en traversant les saisons. Mon livre se remplit de l'eau de la rivière dans laquelle je me lave. De l'eau des cascades dans lesquelles jouent nos enfants nus en été. Et de l'eau des sources qui nous abreuvent. Mon livre s'écrit dans l'air que je respire, l'air qui nous accompagne le long des chemins de notre liberté et des rejets qui noircissent notre peau. Mon livre suit le vent qui se moque des frontières. Il s'illumine à la pleine lune, déchiffre les messages des étoiles. Mon livre admire aussi le galop des chevaux et s'émerveille devant les fleurs nouvelles au printemps. Et je pourrais t'en dire encore et encore. Car mon livre grandit au contact des démesures et des folies humaines. Mais avant tout, mon livre dit que le tzigane ne quitte rien qui ne va quelque part. Le tzigane parcourt sa demeure, les terres qu'il traverse. La foulée tzigane est une déambulation infinie. Maman, tu m'as donné un livre unique, mais ce livre se transformera, se développera au contact des livres que je lirai. Ton choix t'appartient, Théodora, mais tu te mets en danger, tu le sais. Tu es une femme qui a en elle l'énergie des hommes. Je ne t'abandonnerai pas, cependant. Comme ta peau m'apparaît sombre subitement. Je suis une négresse blanche, la petite fille d'esclave. Bon à la mort, ne l'oublie jamais. Tu es pareille à moi et à ton père et aux parents de ton père. Nous ne traînons plus de boulets aux chevilles, mais nous restons des bannis de la société. Nous sommes des tziganes. Rien d'autre que des tziganes. Exclus, mais fiers. L'enfant de Théodora a 1 an quand Vassili sort de prison. L'enfant a pour prénom Carmen. Théodora est retournée vivre dans sa famille avant l'accouchement. Théodora ne parle jamais de Vassili, qui reste convaincu que Carmen ne peut pas être son enfant. Il se remarie avec une jeune fille de 14 ans, Alina. Il en a 23. Vassili retrouve ses amis. Les mois de prison l'ont conforté dans sa volonté de combattre l'ennemi. Ceux qui déclarent ouvertement la sous-humanité des tziganes, ceux qui construisent des murs autour des ghettos de misère. Qu'est-ce que tu écrivais dans tes cahiers, grand-mère ? J'écrivais des lettres à Aladdin. Des lettres jamais envoyées, puisque je ne savais pas où il vivait. On disait qu'il avait quitté le pays, mais personne ne savait où il était parti. J'écrivais aussi des poèmes. J'écrivais avec application, au crayon. J'enfermais tout cela dans un coffre fait de cuivre, de bois et d'osier, à côté des chaînes qui avaient entravé les chevilles de mon arrière-grand-père lorsqu'il faisait partie du troupeau des hommes de Somme au service des monastères et des propriétaires terriens. Pour moi, les mots étaient orage, étreinte, échauffement des nerfs, tempête de l'âme et questionnement d'amour. Il m'arrivait de lire des poèmes à Carmen endormie. Je lisais dans un chuchotement, Carmen allongée à mes côtés. Mes mots étaient encore insoumission et refus des doctrines. La vieille Théodora ouvre les yeux, tourne la tête vers la petite fille. Parlons d'autre chose. Tu me chatouilles. Tes yeux ressemblent à des ampoules. Et moi, j'aimerais voir la couleur de tes yeux. Elle apprend à aimer cet enfant qui ne dit pas son prénom. Raconte-moi une histoire. J'en connais pas. Oui, tu en connais au moins une. Tout le monde connaît au moins une histoire, même très courte. Moi, tout ce que je sais, c'est que les sardines ne poussent pas dans les arbres. Donne-moi un bracelet. Pour en faire quoi ? Pour le porter, tiens. Tu vas le perdre. Ton poignet est encore trop fin. Donne-moi un bracelet. Je vais réfléchir. Ça veut dire que tu ne me le donneras pas. Quelle heure est-il ? Je sais pas. Dans les maisons, il y a des lumières. Il n'y a pas de maison ici. Est-ce vrai que si le vent tourne, c'est à cause des ailes des moulins ? La vieille Théodora s'endort. À la fin des années 30, de nouvelles lois visent des populations déclarées indésirables. Au début d'une après-midi de printemps, des miliciens entourent le campement de la famille de Théodora et d'autres familles avant de l'investir. Théodora tente de camoufler ses cahiers dans un panier sous des branches mortes. Donne. Et une robe de Carmen. Je te dis donne. Non. Allez, vas-y. Un milicien s'approche. Le milicien sourit avant de lui lacérer le visage avec une lanière en cuir. Faut nous en info. Allez, vas-y, tu fais tes jambes de nous, là. Oui, quoi. Allez, allez. Leur mission accomplie. Les miliciens repartent avec la certitude d'une impunité absolue. Jusqu'à mon dernier souffle, je me souviendrai du calme, inaltérable, féroce, de celui qui commandait les miliciens. Des gants en cuir blanc protégeaient ses mains de toute salissure. Il fumait. Il n'a pas parlé, ses ordres, il les avait communiqués avant d'abandonner ses hommes fauves à leur tâche meurtrière. Ce calme, je me le demande encore aujourd'hui. Cette assurance placide venait-il de la seule haine? Lorsque les cendres seront refroidies, on retrouvera les cordes métalliques des instruments et les boulets qui avaient appartenu à l'arrière-grand-père de Théodora. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour nous, l'exode a commencé à travers les forêts, les campagnes. Pendant 10 jours de marche vers une destination inconnue, je me récitais les poèmes. Les mots bourdonnaient dans ma tête. Je soignais la blessure sur mon sein en y appliquant de l'argile. Je n'avais plus la force de porter ma petite Carmen dans les bras. J'avais 22 ans lorsque le pouvoir a organisé les premières déportations massives vers des terres de marécage. La planification des transferts de population était devenue une priorité. Des foules affamées, harassées, titubantes, se traînaient sur les routes. Un matin, un petit garçon, pieds nus, chemise et pantalon déchirés, s'est approché de la cabane de branchage que j'avais confectionnée. Un couteau à la lame affilée pendait à sa ceinture. Il était seul. Ses yeux noirs d'encre se fixaient sur Carmen, davantage que sur moi. Il a pris Carmen dans ses bras. Il a dit qu'il était perdu, qu'il ne se souvenait pas bien de ce qui s'était passé. Il a dit son nom, Nahum. Il a sorti une poupée de son sac et l'a offerte à Carmen. J'avais 2 enfants. Plus tard, les militaires ont encerclé puis investi notre campement de fortune. Ils ont arrêté les femmes, les hommes et les enfants pour nous déporter avec des milliers d'autres personnes. À notre arrivée dans le camp, sous les coups, les ordres aboyés, les insultes, les gardiens dépouillaient les prisonniers de leurs biens. Une gardienne a arraché la poupée des bras de Carmen et a pris le couteau de Nahum. Les premiers froids de l'hiver s'abattaient sur le camp. Quelques jours après notre arrivée dans le camp, Carmen ne s'est pas réveillée. Elle avait de la fièvre depuis plusieurs jours. Elle avait faim. Elle n'avait même plus la force de gémir. J'ai pris Nahum par la main pour être l'éloigner du petit corps enfoncé dans la boue. Nahum secouait la tête. Ses yeux brillaient, s'inondaient de larmes de sang. Quand les libérateurs ont ouvert le camp, Nahum et moi, nous avons trouvé refuge dans une grange. C'est à ce moment-là que j'ai retrouvé Angelica et un de ses enfants, des femmes du village et quelques hommes. Nous sommes repartis sur les routes. Les corps faméliques se reconstituaient lentement, des semaines avant de retrouver une apparence humaine. On parlait de tout et de rien, sans gradation. Pour échapper au naufrage de l'âme, on chantait pour pleurer. Donne-moi la main, petite. Mon bracelet, si je pouvais l'ouvrir, te servirait de collier. Tu es maigre. Beaucoup trop maigre, ma petite fille. Tu ne manges pas à ta faim. Et ça, j'ai été comme toi. Oh, il y a longtemps, je n'étais plus une enfant. J'avais été mariée et j'avais deux enfants. Je pesais... Combien je pesais? Un squelette. La peau flottait comme une robe trop large. Nous étions tous comme ça. Et les vents gémissaient, alertaient en vain le monde. Qui comprenait ce qu'ils pleuraient? Qui cherchait à vérifier leur message d'épouvante? Vassili, mon mari, le père de ma petite Carmen, a été abattu en essayant de fuir avec des camarades, dont Pavel, le mari d'Angelica. La femme de Vassili, la seconde, la jeune Alina, est morte, nue dans la neige, sous les coups de ceinture d'une femme en uniforme, parce que Alina n'avait pas léché toute la boue salissant les bottes en cuir noir de la femme. La boucle du ceinturon portait une inscription. « Gott mit uns ». Des larmes de plomb alourdissaient nos paupières. Comment cela a-t-il pu exister? Tant de morts. En ce temps-là, comme avant ce temps, et dans le temps d'aujourd'hui, tout cela a existé. Et pourtant, rien n'a changé pour le plus grand nombre d'entre nous. Nous sommes encore les méprisés de cette Europe florissante. Aucun peuple en Europe ne subit un ostracisme comparable. Est-ce parce que nous n'avons jamais désiré une terre cernée par des frontières? Nous, les sautes frontières. Serait-ce parce que nous n'avons jamais humilié un autre peuple pour vivre mieux à ses dépens? Comme cela se passe si souvent. Rien de nouveau sous les étoiles. Fumée. Tout est fumée et poursuite du vent. C'était La Théo des fleuves de Jean-Marc Turine, avec Emmanuel Riva, Leila Nasser, Cédric Weber, Nita Klein, Émilien Gobard. Sabrina Nouchi, Judith Morand, Fabienne Chauda, Claire Rupli, Laurent Richard, Laurent Delvert. Musique, accordéon Gabriel Levasseur, violon Florent Maton. Bruitage, Bertrand Amiel. À demain.